calme. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour. Bonjour, il est midi sur Radio Campus, sur les 106,6 MHz de Radio Campus. Sur DAB+ et sur campuslist.com, et vous vous préparez à écouter Angle d'attaque, une émission des trois attaques de la métropole lilloise. Attaque à deux tracés, association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Retenez plutôt que c'est une association altermondialiste et d'éducation populaire. Pour vous servir aujourd'hui, une équipe restreinte, mais de qualité, bien sûr. Florent au pupitre, maître du temps, du choix musical, des rendez-vous militants. Morgane, le billettiste malheureux pour hier, vous n'avez pas eu son billet. Et Christian au micro, à trois pour vous servir. De quoi parlons-nous aujourd'hui, ce samedi 15 juin? Inutile de vous dire que cette émission était programmée avant les européennes. Cela dit, nous poursuivons notre série audio, ce que nous voulons, ce CQNV, dans le domaine que nous, animateurs angle d'attaque, connaissons trop peu, c'est l'agriculture. Donc le numéro de CQNV est consacré à l'agriculture. L'agriculture que nous voulons, c'est normal puisqu'il y a eu l'industrie que nous voulons. Donc l'agriculture, thème du jour. Pour en débattre avec nous, un représentant de la Confédération paysanne. La conf pour les connaisseurs et pour les amis, quelqu'un de bien connu à Attaque pour nos luttes communes. Antoine Jean nous fait le plaisir et l'amitié d'être venu dans le studio de Radio Campus. Bonjour Antoine et merci d'être là. Bonjour et merci de votre invitation. Ah ben c'est la moindre des choses dans les temps qui courent, mais a fortiori aujourd'hui. Donc ben comment vas-tu en ces temps de tension ? Bah écoute, moi personnellement, ça va, sur ma ferme ça va, on est un peu sur un système, on va dire, alternatif. Puisqu'on est sur de la production laitière, de la transformation, sur une petite structure, mais avec du développement de l'emploi et de la remise directe de produits, en l'occurrence du fromage fermier au lait cru. Très très bien, et on va peut-être en reparler justement de ton activité. On va faire un peu d'histoire d'abord, si tu veux bien, parce que notre histoire de l'agriculture, elle est liée à l'histoire de la PAC. Et tu nous en dis un mot sur cette politique agricole commune qui a commencé avec 6 pays. Alors tout à fait, la politique agricole commune, la fameuse PAC, oui, qu'on entend parler, je vais dire, nous les paysans, on la connaît bien, puisque c'est un peu celle qui régit aujourd'hui l'agriculture. Donc elle est déclinée dans chaque pays. Alors en ce qui nous concerne, on parle souvent beaucoup d'aide, hein, de subventions, de la PAC, mais en tout cas, c'est ce qui aujourd'hui organise l'agriculture au niveau européen, mais aussi dans chaque pays. Donc moi, je me suis installé en 92. J'ai connu cette première PAC où notamment les agriculteurs à l'époque touchaient des aides, mais pas directement. Et en fait, il y a eu vraiment un virage à l'époque, hein, juste avant le GATT et l'OMC, oui, pour la rendre compatible. En fait, on a commencé à donner des subsides directs. Et donc c'était une bataille, je veux dire, c'était le début de la Confédération paysanne, il faut renforcer les grosses structures avec la FNSEA au niveau syndical français, mais aussi au niveau européen avec le COPACOGECA et le ECVC, à l'époque c'était la Via Campesina, qui existe toujours. Ouais. Et donc du coup c'était une bataille déjà à l'époque féroce, parce que, qui dit subsides aujourd'hui, l'agriculture, si on n'a pas d'aide, dans la plupart des productions, on ne peut pas vivre correctement, on ne peut pas vivre de notre métier. Donc c'était aussi une des politiques publiques extrêmement fortes, notamment de régulation de la production, de protection aux frontières. Et tout ça, ça a volé en éclats. Et donc on a commencé à nous donner des aides. Et ce qui a été au détriment des paysans en général, en tout cas de l'agriculture que nous, on veut à la Confédération paysanne, une agriculture paysanne, c'était des aides à l'hectare. Ce qui a fait qu'il y a eu une disparition massive des paysans. et puis une concurrence, on va dire, entre les paysans pour s'accaparer les terres. Donc, c'est vraiment les grandes lignes aujourd'hui. Et l'image que les auditeurs peuvent garder, c'est qui existe toujours et que nous, on dénonçait à l'époque, c'est 80% des aides vont à 20% des exploitations. Et d'autres chiffres, la PAC aujourd'hui, c'est au niveau européen, c'est 80 milliards d'euros d'aides. Et la France est une des premières bénéficiaires pour 10 milliards à peu près d'aides. Oui, c'est ça. Et effectivement, donc, tu parles donc des années 92, 91, 95 aussi, c'est Marrakech, oui. C'est-à-dire l'ouverture au marché. Et on n'est plus du tout dans la situation des six pays du marché commun au départ, qui se protégeaient eux-mêmes. Par contre, il n'y avait pas de frontières entre les différents pays, je crois, au début. Il y avait quand même les frontières, mais en fait, il y avait la libre circulation. Oui, c'est ça, je veux dire. Des matières, et notamment agricoles. Hein, donc, le principe, quand même, c'était que l'Europe, au départ, elle était non autonome en alimentation. Et que les politiques, notamment à l'époque, c'était Edgar Pisani qui était ministre de l'Agriculture et qui. On a donné beaucoup d'argent à l'agriculture pour qu'elle se développe. On a mis des régulations, on a mis aussi des quotas et aussi des protections aux frontières. Et aussi, ce qui était important, c'était des prix garantis dans toutes les productions. Et ça a marché très rapidement jusqu'au, on va dire, au début des années 80 où on est devenu autosuffisant au niveau européen. Bon, après, il y a eu bien sûr l'élargissement à d'autres pays. Ce qui est important, je réfléchissais tout à l'heure en venant, notamment, moi, j'ai vécu l'entrée des pays du Sud, le Portugal et l'Espagne, où il y a eu énormément d'argent sur la table de ce qu'on a appelé les fonds structurels à l'époque, à coups de milliards, pour qu'ils rattrapent le même niveau que les six premiers, après les neuf, etc. Chose que n'ont pas eu notamment les PECO, le pays d'Europe centrale et orientale, quand ils sont rentrés, la Pologne, etc. Ouais. Et qui aujourd'hui ont toujours un handicap par rapport à nous, ce qui fait qu'il y a une concurrence, je vais dire, entre des pays les moins disants au niveau de l'Union européenne, surtout au niveau des normes sociales et environnementales, qui n'ont pas tout à fait les mêmes aujourd'hui que nous, notamment, par exemple, si on parle du SMIG, ils n'ont pas le SMIG que nous, on peut avoir. Donc, il y a toujours des concurrences et des distorsions de concurrence entre les pays de l'Union européenne. Ah oui, d'accord. Alors, effectivement, on y reviendra à cette question-là, parce que c'est quand même fort important ce qui se passe. Et puis là, justement, avec la concurrence de l'Ukraine, on en reparlera tout à l'heure. Mais aussi, lorsqu'on a préparé cette émission, ce qui nous a frappé, c'est l'époque, tu viens de le dire, avec le fait que 80% des aides viennent à 20% des exploitations. Je suppose qu'en termes de quantité d'hectares, ces 20%, c'est les 80% en quantité d'hectares les plus grandes fermes, j'imagine. Tout à fait, puisque en fait, ces subventions sont à la superficie. Oui. Donc, il y a eu une espèce de course, on va dire, à l'agrandissement permanent qui existe toujours aujourd'hui, puisque en fait, on est doté à l'hectare. Alors que ce n'est pas du tout une PAC sociale. Nous, par exemple, ce qu'on revendique à la CONF, c'est qu'on tient en compte des emplois qu'il y a sur la ferme, de la qualité des productions. Et après, il y a une grande disparité. Par exemple, au départ, la PAC, elle ne dotait pas les hectares en herbe. Je vois dans les questions, aujourd'hui, on parle du maintien des prairies naturelles qui ont disparu à coups de millions d'hectares, hein, je veux dire, en France et dans l'Union européenne, parce qu'il n'y avait pas d'aide à ces superficies. Donc, en fait, il y a eu un déséquilibrage des aides, notamment beaucoup d'aides vers les céréaliers. On les a dotés pour exporter les céréales. Il y a eu aussi les accords de Blairos qui ont fait que l'Europe a totalement abandonné la production de protéines. Et aujourd'hui, on en reste aujourd'hui encore déficitaire dans l'Union européenne. Et il n'y a pas de politique aujourd'hui volontariste, ou on va dire à minima, pour rééquilibrer ça. On est toujours sur des systèmes, on exporte nos surplus, céréalières, production laitière, etc., et on ne dote pas des productions à forte valeur ajoutée. Notamment, on a perdu en France beaucoup de vergers de production locale et on se trouve complètement déséquilibré dans des productions aujourd'hui qu'on importe. Mmh. Alors, d'un côté, on dit que l'Europe, elle exporte, mais la balance commerciale, elle reste déficitaire dans certaines productions. Oui, c'est ça, effectivement. C'est pas, je crois que l'agriculture est exportatrice, mais... Si on fait le détail, c'est pas tout à fait... Elle reste l'exportatrice. On peut être d'accord si elle exporte du vin, etc., ou des fromages à forte valeur ajoutée, tels que le Roquefort. Mais après, on exporte en masse, on va dire, des produits basiques non transformés comme les céréales, qui viennent aussi concurrencer. En fait, ce que nous, on constate aujourd'hui, c'est que tous les paysans du monde sont mis en concurrence. Donc, on a les Américains qui exportent énormément, avec le Canada, l'Union européenne, qui vient inonder notamment l'Afrique en général, qui les empêche aussi de produire localement, parce qu'ils n'ont pas les mêmes aides que nous. Aujourd'hui, si les paysans aujourd'hui résistent et continuent à produire dans l'Union européenne, c'est parce qu'en contrepartie, on leur donne beaucoup d'aides pour exporter. Donc c'est toujours ces marchés déséquilibrés qui sont d'actualité. Oui, en effet. Alors, ce qui nous avait marqué aussi, c'est lorsqu'on étudie un peu les questions sur l'agriculture, c'est l'endettement L'endettement et la spécialisation, effectivement. Oui, peut-être. Disons un mot, peut-être. Ouais. On voit que c'est un métier qui a, mine de rien, pas mal évolué avec les techniques et autres, en fait, que. Comme tu disais, le fait qu'on subventionne, on encourage les plus grosses parcelles, et en fait, on voit une spécialisation du métier et à côté un endettement, enfin, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des grosses parcelles derrière. Pour se mettre sur le marché, ça demande des moyens conséquents, et donc derrière, de faire appel à des banques, par exemple. Tout à fait. La plupart des agriculteurs sont très fortement endettés. Au-delà du raisonnable, je veux dire, on est toujours obligé d'investir dans du matériel ou quand on crée une activité, hein, puisqu'on est, alors j'aime pas le mot chef d'entreprise, hein, mais ça dépend de la taille de la ferme. Mais en général, beaucoup d'agriculteurs sont plus ou moins très endettés parce qu'ils ont vu trop grand. Hein, et donc nous, c'est ce qu'on avait dénoncé il y a déjà quelques années avec l'agrandissement des fermes, l'endettement, une forme de capitalisation très importante. Aujourd'hui, c'est des fermes, puisqu'on parle de renouvellement des générations, qui sont devenues incédables, parce que personne ne peut reprendre. Il y a un tel niveau de capitalisation qui peuvent aller sur plusieurs millions d'euros sur des structures. Et donc, quand des jeunes veulent rentrer, parce que c'est ça aussi qui est important. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, jeunes et moins jeunes, qui veulent aussi faire des gens qui veulent faire des reconversions professionnelles. Le métier reste fermé. Il y a deux gros problèmes, c'est de trouver des superficies agricoles pour s'installer. Il faut du foncier, mais aussi le niveau d'endettement des exploitations. Et les mouvements paysans qu'on a pu voir au mois de janvier-février, c'est surtout par rapport à des revenus qui ne suivent plus pour faire face notamment aux charges et notamment aux investissements et de rembourser les prêts agricoles, quoi. Et donc, tu parlais aussi de spécialisation. C'est vrai qu'on est devenu de plus en plus dans une agriculture, on va dire, cloisonnée, où on avait dans le temps des fermes qui faisaient un peu de tout, qui faisaient du lait, de l'élevage. C'est très important aussi d'avoir de l'élevage aussi pour les fumures des terres. Et aujourd'hui, on a des agriculteurs qui deviennent de plus en plus par secteur spécialisé. Donc, on en a par exemple les céréaliers, les arboriculteurs. Alors ici, dans la région, on a les phénomènes, par exemple, avec les patatiers, qui mettent que de la pomme de terre sur des superficies très, très importantes. Des Belges, entre autres. Des Belges, ou alors, par exemple, des éleveurs qui font que des cochons, et de manière très intensive, et avec des grosses quantités, quoi. Ouais. Et donc, ça, c'est vraiment à déplorer aujourd'hui dans notre agriculture, parce que ce n'est pas une agriculture qui répond aujourd'hui à la demande sociétale qui veut une agriculture plus relocalisée, plus de qualité. On doit répondre aussi, par exemple, à des marchés locaux, etc. Et ça, l'agriculture, telle qu'elle est un peu confisquée aujourd'hui, elle ne sait pas le faire. Et puis les gros, gros élevages de cochons, par exemple, au niveau pollution locale, on a entendu parler du lisier de porc, enfin, que c'était pas terrible, quoi, du coup. Oui, on a, par exemple, en Bretagne, où il y a plus de porcs que d'habitants, la production de porc bretonne, en quelques départements, elle suffit à toute la consommation française. Donc on est sur des modèles où on fait un espèce de dumping pour produire, pour faire toucher, pour faire tourner l'industrie agroalimentaire notamment, et donc au détriment des territoires. Et on a aussi de plus en plus de problèmes environnementaux, sociaux, mais environnemental aussi, perte de biodiversité. C'est ce qui était reproché notamment parce que l'Europe veut justement faire un rééquilibrage dans les questions, je voyais, il y avait le Green Deal et de la fourche à la, table. Aujourd'hui, en tout cas, bon, c'est des bonnes intentions, mais les politiques qui sont mises en place aujourd'hui ne vont pas dans le sens. De toute façon, on est toujours dans un rapport de force aujourd'hui entre ce que nous, la Confédération paysanne, on défend. Et de l'autre côté, les syndicats dits majoritaires comme la FNSEA au niveau de l'Union européenne qui ont la main mise et qui veulent continuer à imposer un modèle d'agriculture, ce que nous on dit une agriculture très industrialisée, bon, qui va au détriment d'abord du monde agricole, de la population, des populations locales avec les pollutions, notamment les algues vertes en Bretagne. Oui. Et donc on est toujours dans ce modèle-là. On fait le constat qu'on est dans le mur. Mais on n'en change pas, on n'en change rien. Et en plus, on met beaucoup d'argent public sur la table. Oui, et on continue de parler de productivisme et on continue d'aider justement cette agriculture spécialisée ou ces élevages spécialisés. Tu parlais, je me souviens qu'on s'était battu contre la ferme près d'Amiens. Là, les 1000 vaches. Ouais. Les 1000 vaches. Ça a été un succès quand même, on a quand même fait quelque chose. Mais en même temps, en Allemagne, 3000 vaches, ça n'a pas l'air de les gêner beaucoup. Alors j'ai appris en lisant le site, en regardant le site de la Confédération paysanne, qu'il y a des vaches spécialisées pour être élevées en batterie. C'est absolument extraordinaire, parce que les vaches en question ne peuvent pas brouter l'herbe, en fait. Elles ne peuvent pas être en prêt. Non, mais on a des... Aujourd'hui, ils veulent encore aller plus loin. Il y a une loi agricole qui a été proposée là, au Parlement, qui a été discutée il y a quelques jours, quelques semaines, et qui va encore plus dans ce sens-là. Et c'est nos ministres de l'Agriculture successifs, c'est... robotique, génétique, numérique. Oui, oula, et donc, j'allais y venir. Oui. La génétique, c'est vrai qu'on a en élevage, dans la production végétale, mais dans la production animale aujourd'hui, on construit, on va dire, des animaux qui sont adaptés à une agriculture très industrielle, qui vont passer, par exemple, dans des robots de traite, etc. Mmh. Donc, ils ne vont plus aller au pâturage, qui sont sur des systèmes très intensifs de production, alors qu'on devrait faire l'inverse, on devrait désintensifier, notamment par exemple si on veut maintenir des prairies permanentes, des prairies naturelles, et ça a du bon parce que ça maintient de la biodiversité, ça maintient des paysages ouverts et puis c'est la qualité des paysages, mais pas que, ça a aussi un effet sur la production de l'eau parce qu'on met moins de pesticides ou pas du tout de pesticides et moins d'engrais. Donc voilà, tout ce qui devrait être bon. De plus en plus, et on pointe du doigt les effets catastrophiques de cette agriculture qu'on fait depuis les années 60, les dégâts sociaux, environnementaux, etc., les paysans qui disparaissent. Comment ça, on voit les problèmes, mais on n'en change rien. Au contraire, on va encore plus vers ce système industrialisé de production. On le sait, c'est aussi parce qu'il y a des lobbies très puissants. Que sont les vendeurs de machines agricoles, les vendeurs de pesticides, etc. Et les vendeurs de prêts, du coup. Et de prêts aussi, les banques, je vais dire les banques, les assurances, etc. Quoi. Tout le système qui a été mis en place depuis des décennies et qui emmène l'ensemble de la population agricole dans le mur, qui crée des désespoirs aussi dans les fermes, dans les campagnes, puisqu'on est quand même une profession qui est fortement touchée par les suicides en agriculture. Des paysans qui n'arrivent plus à vivre de leur métier. Pour certains, sans aide, c'est impossible de vivre. Donc ça, c'est une catastrophe. Quoi. J'étais en Haute-Vienne il y a un mois et demi, là, et je parlais avec un paysan. Je crois que c'est en 3 ans, il y en a eu un par an qui s'est suicidé, des paysans. Des gens de 30 ans, quoi, avec des gosses. Tout à fait, oui. On a quelques cas ici aussi dans la région. Hein. Ouais. Ah, c'est épouvantable. Alors effectivement, il y a aussi ce gigantisme d'un côté, et puis il y a quand même un exode rural D'après le recensement agricole de 2023, le nombre d'exploitations qui a été divisé par 4 en 50 ans, et beaucoup d'exploitants qui ont plus de 55 ans, et il n'y a pas forcément de perspective de reprise derrière, et du coup de retraite aussi pour eux. Tout à fait. Alors ça, c'est des chiffres vraiment que nous, on constate, puisqu'on voit, moi qui suis paysan... Je prends toujours le chiffre dans mon village, quand j'y suis arrivé en 1974, il y avait 74 paysans. Et aujourd'hui, et encore on est heureux, il en reste 20. Mais pour vous dire, l'exode, elle a été massif et elle continue aujourd'hui à être très importante. Et alors, bon, c'est vrai qu'il y a eu l'exode rural au moment où il y a eu le développement de l'industrie en France dans les années 60-70, où les paysans partaient travailler à la ville. Et aujourd'hui, ben, on sait que si on veut une agriculture de qualité, qui répondent à des défis aujourd'hui sociétals, et à la demande sociétale aussi, c'est-à-dire une agriculture qui emploie, une agriculture de qualité, une agriculture qui respecte l'environnement. Il faut des paysans nombreux. Hein, on a perdu en 10 ans la moitié de nos paysans en France. Il y avait 2,5 millions de paysans après la guerre. Aujourd'hui, on est moins de 500 000 exploitations professionnelles. Et nous, on sait, et on se bat à la Confédération paysanne, pour dire que si on veut une agriculture que l'emploi, qui respecte l'environnement, etc., il faut au minimum 1 million de paysans, quoi. Donc il y a ce défi à relever. Il y a un chiffre comme ça. D'accord. C'est un chiffre que, oui, qui n'est pas sorti comme ça. Non, mais je fais confiance. et donc, et même voire plus, hein, je vais dire, parce que l'emploi, enfin, s'alimenter correctement, je vais dire, c'est un défi de santé publique. Je vais dire, et on a les moyens aujourd'hui. Tout à l'heure, je parlais de 10 milliards d'euros. Si on redistribue autrement ces subsides, on peut faire une agriculture de relocaliser. Et on sait que, notamment avec le changement climatique, etc., on va être obligé. Donc, soit bah, toutes les politiques agricoles qui se sont succédées depuis des décennies ne vont pas dans ce sens-là, quoi. Donc, il faut un rééquilibrage important, massif et rapide. Oui, alors, il y a aussi, moi, ce que j'avais constaté, mais je ne m'y attardais pas, parce que c'est des chiffres que je voyais passer, c'est qu'en fait, les exploitations grandissent aussi en même temps. Mmh. Au fur et à mesure qu'il y a des gens qui disparaissent, des paysans qui disparaissent, ou des fermes qui ferment, si je veux dire, et, c'est de racheter. Donc, je me souviens, il y a quelques... Alors, c'était un premier truc de la conf, il y a quelques années. La taille moyenne d'une exploitation, c'était 50 hectares. Maintenant, on est à 63, j'ai vu. C'était moins que ça, hein. Je veux dire, nous, on était une des régions... C'était souhaité, je crois. Ouais, voilà. Ouais. Notamment, si je parle de notre région, ici, les Hauts-de-France et le Nord-Pas-de-Calais, on était plutôt sur des fermes. Alors, j'aime pas le mot exploitation, hein. Oui, plutôt des fermes à taille humaine. Nous, on parle de paysans et de paysannes. De fermes à taille humaine, en général, c'était une trentaine d'hectares. Mais très rapidement, on va vers un agrandissement. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en agriculture, il y a vraiment une grande disparité. On a des méga-exploitations qui peuvent faire plusieurs centaines d'hectares, y compris dans notre région. Alors plus, on va dire, dans la région parisienne, dans le bassin parisien, l'Oise, la Somme, parce qu'ils parlent déjà sur des plus grosses exploitations. Mais on en a aussi aujourd'hui dans le Nord-Pas-de-Calais, avec des fermes qui font plusieurs centaines d'hectares, qui sont spécialisées. Alors, il y en a ici pas loin, par exemple, qui font, tout à l'heure, tu parlais de spécialisation en endive, hein, on est quand même le berceau de la production de l'endive. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a des exploitations qui savent mettre plusieurs centaines d'hectares d'endive. Moi, j'ai connu la production d'endive traditionnelle, c'était quelques hectares. Alors, le grief qui nous est fait à la Confédération paysanne, souvent, ils nous disent, vous voulez l'agriculture de grand-papa. Non, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on travaille aussi avec des tracteurs, on n'est pas contre le modernisme, on n'est pas contre le fait de travailler moins, etc., enfin, au moins dans de meilleures conditions. Donc c'est pas ça, c'est pas la Confédération paysanne n'est pas contre le modernisme, hein, je vais dire bien au contraire. Mais ces exploitations, tout à l'heure je l'ai dit, capitalisation, captation de beaucoup d'argent public, et donc c'est au détriment, on va dire, de l'ensemble de la société, quoi. Oui, alors, je voudrais revenir sur cette question que tu disais. 10 milliards d'euros d'aide qui viennent de l'Europe. Et donc, maintenant, il faudrait peut-être voir que ce n'est pas 10 milliards qu'on vous donne, c'est 10 milliards que vous donne sous condition des choix de l'Europe. Et notamment, je voulais y venir justement, mais tu as déjà prononcé le mot, du Green Deal. et de ces fork to farm, de fork to, je ne sais plus, soup table, oui. Enfin, de la fourchette à la table, en fait. Voilà. Mais ça, c'est pas, ça n'a pas l'air, moi, vu de l'extérieur, ça n'a pas l'air d'être une si mauvaise idée, ce Green Deal, sur ce plan-là, qui est pourtant extrêmement critiqué. Parce qu'il y a d'autres choses aussi. En fait, ça s'est épondu par la Commission européenne il y a quelques années, mais en fait... 2019. C'est une stratégie, mais en, ouais. en tout cas, on va dire que c'est drapé de bonne intention, mais ils partent du constat qu'il y a des problèmes au niveau de la santé notamment à travers l'alimentation. Donc il faut, parce qu'il faut quand même savoir que l'Union européenne, on a confié l'alimentation à l'industrie agroalimentaire, aux multinationales, et on sait aujourd'hui les dérives par rapport aux produits qui sont délivrés à l'ensemble de la société, qui pose des problèmes de santé. Et puis, le Green Deal aussi parle d'un problème de changement climatique. Et on n'est pas, on le voit bien, nous, tous les jours, au niveau des paysans, ce changement climatique, avec des gros problèmes, notamment au niveau de la météo, hein, puisque, je vais dire, depuis 8 mois, là, après des années de sécheresse, on a des inondations et on a des pluies historiquement élevées. Donc ça devient de plus en plus compliqué. Et on sait que bah, l'agriculture doit changer sa façon de cultiver, sa façon de produire. Mais en tout cas, rapidement, il y a eu un levé de bouclier de la FNSEA à travers ses syndicats au niveau européen, qui est le COPACOGECA, pour ne rien changer, quoi, hein. Ouais. Donc, par exemple, dans les manifestations, on a entendu l'obligation... donc c'est souvent du mensonge, hein, de l'obligation de faire de la jachère. En fait, il n'en est rien. C'est l'obligation d'avoir 4% de jachère, c'est-à-dire des éléments dans une ferme qui permettent d'avoir de la biodiversité. Donc, pour donner un exemple, nous, sur notre ferme, par exemple, on a encore des haies, on a encore des prairies permanentes, on a encore des fossés, on a encore des arbres. Donc, on répond. Mais il y a des à cette demande, il y a des agriculteurs aujourd'hui, notamment si on va dans les plaines de la Bosse ou pas plus loin que chez nous dans Picardie, où vous avez des centaines d'hectares où il y a plus d'arbres, il y a plus de fossés, il y a plus rien. Donc cette demande, c'était ça, c'était de réintroduire de la biodiversité dans les campagnes. Donc, eux, ils ont fait passer le message que c'était l'obligation de jachère, alors que c'est totalement faux, quoi. Donc parce qu'on sait que il y a eu un effondrement de la biodiversité. Et c'est justement, ça touche l'agriculture, parce que ben, on a moins en moins de pollinisateurs dans les cultures, etc. Donc ça va être un problème, ça commence à être un problème dans l'agriculture, mais ça va être un problème de plus en plus prégnant, on va dire, dans les prochaines années. Oui, alors donc ce que tu dis, ce que j'entends, c'est que c'est bien plein de bonnes intentions, mais en même temps la FNSEA gueule. Et on fait machine arrière, le gouvernement. Bah parce qu'elle ne veut rien changer, elle veut continuer. De toute façon, on est toujours aujourd'hui dans des rapports de force dans l'Union européenne, au niveau avec les lobbies, avec les politiques. Et en fait, c'est le statu quo. Aujourd'hui, on connaît les problèmes, les défis très importants que nous, l'agriculture, on va devoir relever dans les prochaines années. Et on sait que ce défi, on peut y répondre, notamment à travers des politiques publiques très fortes, de régulation des marchés, de production locale, de protection aux frontières. Tout à l'heure, on parlait des accords de libre-échange, je sais. On sait que faire circuler et faire concurrencer tous les paysans du monde, ça ne répond pas aux défis ni climatiques, ni aux défis de l'alimentation, de la bonne alimentation dans les années à venir, quoi. Donc on connaît les problèmes, mais on est toujours dans le rapport de force pour rien changer, quoi. Oui, enfin, c'est terrible. Bon, parce que je reste sur l'intention du Green Deal de faire que c'est la neutralité climatique d'ici 2050. On n'y va pas du tout. C'est ça que tu dis, en fait. Tout à fait. Nous, ce qu'on dit, c'est pas plus d'argent sur la table, c'est une meilleure répartition. C'est un diagnostic posé qu'on connaît, mais qui n'est pas partagé, malheureusement. Et donc, aujourd'hui, il faut changer de braquet. Alors, tout à l'heure, tu me mettais sous les yeux ce que le Front Populaire ici en France propose. Ce qui peut, en tout cas, ce qui nous parle, hein, je vais dire, au-delà de faire barrage à l'extrême droite, hein, qui nous paraît très important aussi. Nous, on a notre part aussi en tant que syndicat, la Confédération Paysanne. Mais c'est le rejet des accords de libre-échange. Je vois dans leur feuille de route, c'est ça. Interdire l'importation des produits à bas prix. Lutter contre l'accaparement des terres, nous, ça nous parle. Aujourd'hui, il faut arrêter l'accaparement des terres. On nous parle souvent et on pense que, bien sûr, il y a l'accaparement des terres pour construire de plus en plus des zones d'activité, des zones industrielles. Mais aussi, nous, ce qu'on constate dans les campagnes, c'est quand même l'accaparement par les gros paysans, quoi. Et, oui, bien sûr. Et nous, à la Confédération Paysanne, il n'y a pas une semaine où se passe qu'il y a des jeunes et moins jeunes qui viennent frapper à notre porte pour vouloir s'installer en agriculture et la porte est complètement verrouillée, quoi. Et c'est notamment parce que ces gros paysans s'accaparent des terres. Et sans foncier, on ne peut pas faire d'agriculture, quoi. On a reçu Terre de Liens il y a quelques temps déjà. Il y a un travail qui est fait quand même, mais il n'y a rien à faire. Le poids des gros agriculteurs, des grandes exploitations, c'est énorme. Tout à fait, le travail il existe, hein, je vais dire. Les outils sont là aussi, mais il manque la volonté politique pour, quelque part, imposer ces rééquilibrages. Ça, c'est important. Et après, ce qui est aussi important aujourd'hui, en ce moment, c'est la souffrance, on va dire, de l'agriculture biologique. Oui. Où on nous a parlé qu'il fallait développer. Il y a beaucoup de paysans qui se sont reconvertis. Et aujourd'hui, c'est une agriculture qui est complètement délaissée, qui n'est pas soutenue, hein, parce qu'il y avait des aides, notamment au maintien de l'agriculture biologique. Et toutes les productions, aujourd'hui, biologiques sont traversées. Donc, par exemple, dans le rééquilibrage des aides, nous, on est porteurs, par exemple, avec d'autres, hein, avec la société civile, pour une sécurité sociale de l'alimentation. Au même titre qu'on a la sécurité sociale pour la santé. C'est pas Egalim, c'est autre chose, ça, Egalim. C'est complètement autre chose. C'est aujourd'hui ce que nos gouvernements actuels n'en veulent pas. C'est aussi la possibilité, pour des populations plus précarisées, d'avoir accès, au même titre qu'on a accès aux soins, que tout le monde a accès aux soins, qu'on puisse avoir accès aussi à l'alimentation, à la bonne alimentation, et notamment à l'alimentation bio. Hein, donc on a des lois aujourd'hui, notamment tu parles des Galim, aujourd'hui qui disent qu'on devrait avoir 20% de produits locaux et bio dans les cantines scolaires notamment, et qu'aujourd'hui, c'est pas mis en œuvre, quoi. Donc il y a quelques mairies volontaristes qui y arrivent, mais c'est très rare. Très rare, il y a les mairies, il y a aussi les départements qui ne jouent pas le jeu. Alors il y a, dans certaines régions, il y a et la région aussi, hein, puisque les départements s'occupent des collèges, les régions des lycées. Mmh. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a pas de ligne par rapport à ça, qui pourrait justement dégager plus de, notamment en agriculture biologique, de l'installation, pour répondre à de la production locale, quoi. Et la sécurité sociale alimentaire, alors les détracteurs vont dire que ça coûte très très cher, mais on voit quand même dans certaines régions, certaines communautés de communes ou plus larges, ils mettent ça en place, donc pour des populations ciblées qui n'ont pas trop les moyens, et en fait, les gens sont très demandeurs, en fait. Ah, oui, tout à fait. En tout cas, on dit que ça coûte cher, ça coûte plus cher aujourd'hui, les problèmes de santé publique, notamment à travers les pesticides. Hein, je vais dire, aujourd'hui, une reculade très importante par rapport aux pesticides, au plan éco-phyto, hein, puisqu'on est revenu dessus. Oui. Puisque normalement, on visait que d'ici 2025, normalement, on devait consommer moins de 50% de moins de pesticides. On sait aujourd'hui les effets des pesticides sur la santé des agriculteurs qui l'utilisent, mais aussi sur la santé des populations. Oui. Et que peut-être que ça coûterait cher d'avoir une sécurité sociale alimentaire, mais quand on compte aujourd'hui les dégâts, notamment quand on consomme des produits de merde, entre guillemets, sur la santé, et puis aussi l'importance que tout le monde puisse avoir un accès à une alimentation de qualité, une alimentation locale, une alimentation bio, que ce ne soit pas réservé à une élite, au même titre que la santé avec la sécurité sociale, quoi. Ouais, on pense aux dégâts du glyphosate ou même au niveau de l'environnement des néonicotinoïdes par rapport aux populations d'abeilles, etc. Tout à fait, oui. Aujourd'hui, on connaît là aussi les effets désastreux sur notre environnement, sur notre santé. Mais en fait, on ne change rien, quoi. Oui, c'est la morale que j'entends, la conclusion de ce que j'entends depuis le début, quoi. Les intentions sont pas mal. Mais de toute façon, on ne fera pas comme ça parce qu'il faut continuer de produire en quantité, de produire la qualité, on s'en fout un peu. Et alors qu'il y a une demande quoi, qui existe, au moins dans la population, c'est ce que tu nous dis. Il y a une prise de conscience, on va dire, générale, parce qu'à un moment, l'agriculture, on pensait que c'était réservé à ceux qui la faisaient, qui la connaissaient. Oui. Et nous, on a toujours défendu. Et moi, si je suis à la Confédération Paysanne, à travers toutes les PAC, ce qui m'a plu aussi, c'est qu'on faisait rentrer la société civile. Ouais. Et on ne discutait pas uniquement entre des initiés. Et que c'est l'agriculture, la PAC, l'alimentation, c'est l'affaire de tous, hein, puisqu'il faut manger tous les jours. Mmh. Et qu'on doit construire ça ensemble. Et qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un rapport de force et une cogestion qu'on voit, moi, oui. que je constate depuis tout le temps, avec un syndicat dit majoritaire, et qui ne veut rien changer, quoi, hein, qui est plus proche des lobbies, des banques, des financiers, commençant par le boss. Agroalimentaire, mais au détriment, on va dire, de l'ensemble des paysans, mais de l'ensemble de la société aussi. À commencer par le patron, effectivement, de la FNSEA. Un gros céréalier qui ne fait pas grand-chose dans le paysan. Ça, c'est pas nouveau. Hein. Non, c'est pas nouveau, c'est pas le premier, en plus. Ouais. Alors, effectivement, est-ce qu'on va dire un mot, peut-être, sur ces choses-là? Parce que produire local, ça veut dire consommer local aussi. Tu travailles avec les AMAC, toi ou... Alors, moi, je travaille avec une AMAP, mais je travaille pas mal avec des magasins de ferme. C'est-à-dire que... pas mal de fermes. Historiquement, on va dire, dans la région, on avait beaucoup de remises directes de produits, souvent produits basiques, du lait, du beurre, etc., des pommes de terre. Ça, pendant longtemps, ça s'est perdu, parce que les paysans ont vendu plutôt à l'agroalimentaire. Puis, il y a aussi les normes hein, qui ont été très importantes en agriculture. Et en fait, depuis quelques années, se développe, parce que les paysans sont en recherche de solutions sur leurs fermes hein, pour avoir du revenu. Et donc, il y a une demande présente, on va dire, des consommateurs au niveau local, et de plus en plus, notamment des agriculteurs qui s'organisent pour ouvrir un magasin. Alors, c'est pas facile, hein, je veux dire, c'est pas facile de se mettre ensemble pour créer et puis investir là-dedans. Mais en tout cas, il y a quand même pas mal de réussites. Et en tout cas, c'est, s'il y a des aides à donner, c'est aller vers ces modèles-là. Alors, il y a les communautés de communes aussi qui peuvent être une force. Je vois chez nous, il y a les PIAT, les projets d'agriculture et d'alimentation locale, qui sont aussi à mettre en œuvre aussi dans la loi Egalim. Et donc, ça peut être des leviers très importants aujourd'hui pour créer des débouchés au niveau local. Et ça peut être mis sur tous les territoires. Hein, je veux dire. Oui, c'est pas forcément compliqué à faire, mais effectivement, donc là, on cultive la proximité des deux, quoi, la proximité du commerce et la proximité de la production, si j'ai bien compris. Ouais. Ouais, alors ça, avec des produits qui peuvent être basiques, hein, non transformés, mais aussi des produits transformés. Hein. Donc par exemple, on commence à avoir des cantines centrales qui peuvent être très intéressantes. Du coup, ce qui est aussi important de dire, c'est que pour des paysans, il faut qu'il y ait un engagement. Parce que quand vous emblavez des cultures, quand vous faites des investissements, il faut qu'il y ait une projection, on va dire, à court terme, mais aussi à long terme. Ouais. Et il faut qu'il y ait un engagement pour vendre sa production. Et donc ça, c'est la commande publique, notamment. Ça peut être très important et ça peut être un levier très important pour que les paysans aient un revenu sécurisé, quoi. Autrement dit, la commande publique devrait imiter les AMAP, précisément. Tout à fait, oui. Oui, les AMAP, pour en dire deux mots, c'est aussi des formes très intelligentes et importantes, hein, puisqu'on garantit à travers des paniers prépayés, ça peut être des légumes, mais pas que. Hein, moi, je livre du fromage. Mmh. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça sécurise le revenu de l'agriculteur. Il y a un engagement des consommateurs derrière, qui viennent aussi donner un coup de main. Donc, on va dire, c'est du donnant-donnant, mais aussi, ça met aussi le pied à l'étrier et les consommateurs qui viennent sur les fermes, ils peuvent connaître, du coup, la problématique des paysans, quoi. Hein. Donc, c'est aussi intéressant de ce point de vue-là que les consommateurs puissent aller sur les fermes, voir comment aussi on produit les aliments. Hein. Je me souviens qu'un président d'AMAP était venu pour expliquer que, à ce micro, pour expliquer que dans quelques jours, les consommateurs allaient venir pour installer les serres. Et c'est les consommateurs eux-mêmes qui les font, qui les montent. Bon. Oui, ils viennent donner un coup de main pour monter les serres, mais pour semer, pour récolter, pour désherber. Voilà, ils participent aux travaux de la ferme. Et ça, c'est intéressant aussi pour des gens qui n'ont pas forcément mis la main dans la terre, quoi. Bah, ça rapproche ce que tu disais, la société civile, du métier de paysan. Enfin, on, pendant longtemps, on a éloigné la société en général, les consommateurs de l'endroit où on produit. Et aujourd'hui, c'est un rapprochement. Et c'est ça aussi, enfin, nous, qu'on milite à la Confédération paysanne, c'est ce rapprochement, quoi. C'est un peu le rôle des amis de la Confédération paysanne, non ? Alors, tout à fait. Les amis de la Confédération paysanne, au départ, c'est... l'histoire des amis de la Confédération paysanne, c'est des gens qui voulaient adhérer, mais nos statuts ne nous le permettaient pas. Notamment quand il y a eu les grands combats contre les OGM et les poursuites que les syndicalistes ont pu avoir, et notamment à travers l'emprisonnement de José Bové. Et donc, du coup, les amis de la Conf se sont mis en place pour justement épauler le syndicat, mais pas que, pour connaître aussi et faire connaître au grand public la problématique agricole. Ah oui, c'est effectivement, j'ai rencontré quelqu'un des amis de la Conf avec quelqu'un de Terre de Liens aussi, qui défendait ce modèle, évidemment. C'est son. Tout à fait. D'accord. Et alors, donc, on arrive à la fin de l'émission, mais je voudrais que tu nous parles un peu plus. Enfin, tu as bien beaucoup parlé de la Confédération paysanne. J'avais noté l'agriculture paysanne d'un projet politique, il n'y a pas de problème. C'est un projet politique que vous menez depuis des années. Et comment êtes-vous reçu chez les ministres, par exemple ? Est-ce que vous êtes reçu ? Alors oui, au niveau national, je vais dire, mais pas tout le temps. Hein, je vais dire, en tout cas, on est reçu parce qu'on est un syndicat représentatif. Hein, même s'il y a une tentative, là, ici, dernièrement, de notre ministre de l'Agriculture de nous affaiblir. Hein. Faut savoir que là, on va aller aux élections professionnelles. Donc c'est pour les champs d'agriculture. Mais du coup, ça sert aussi de mesure par rapport à notre force, on va dire, politique de la Confédération paysanne. On est quand même le troisième. On fait à jeu égal, on va dire, avec la coordination rurale. On est quand même le deuxième. On fait 20% des forces. Mais on nous le reproche toujours en disant, vous êtes un syndicat. Certes, je vais dire, dans la société civile, on est, pour moi, plus reconnu que le syndicat majoritaire. On est plutôt dans le sens de la société. Alors on est écouté, hein. Moi j'ai été en préfecture, on rencontre le préfet, mais je vais dire, force est de constater qu'on écoute plutôt le syndicat dit majoritaire, entre guillemets, alors que même souvent le ministre ou le préfet n'est pas d'accord avec ce que... Voilà, mais on est, j'en parlais assez souvent du rapport de force. Je me rappelle avoir rencontré au début, quand j'étais engagé au niveau syndical, Patrick Caner, qui était président du Conseil Général du Nord, il m'a dit « Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais moi, je ne veux pas de tracteur en bas du Conseil Général. » Pour vous dire aussi, le peu de courage aussi politique à faire émerger des idées qui sont plutôt progressistes, qui sont les nôtres, qui sont en phase avec la société civile, avec les consommateurs, qui répondent à des grands enjeux que sont le climat, la santé publique, plutôt répondre à des lobbies. Et donc, c'est quand même scandaleux. Et on vit, moi, ce que je vis tous les jours, enfin, ce qu'on constate, c'est la cogestion pleine et entière depuis des décennies entre un syndicat majoritaire qu'est la FNSEA au niveau national, mais aussi au niveau dans les régions, les départements, et le peu de courage politique pour faire changer les choses. On l'a bien vu avec les mobilisations qu'il y a eu en janvier, en fait. Le moment où la FNSEA a dit, bon, en fait, on veut plus de pesticides, etc., qui est globalement quelque chose avec lequel le gouvernement était d'accord, en fait. Ouais, oui, alors qu'on est complètement à contre-courant de ce qui était prévu et voté, notamment à travers des lois. Voilà, donc c'est des reculades parce qu'on est, du coup, dans le rapport de force. On va dire la société, alors que la société civile, dans son ensemble, elle pourrait faire basculer, elle est pour ce changement des pratiques en agriculture. Et là, on répond à un pourcentage très faible d'agri-managers, on va dire. Et ça, c'est complètement contestable, quoi. Oui, alors peut-être que dans les lobbies, je vais peut-être voir avec... si les élections sont plutôt favorables, il y a un certain nombre de choses que tu pointais qui pouvaient intéresser la Confédération paysanne. Notamment, tu disais, sur les revenus, crois, sur la... L'abandon, par exemple, nous, ce qui est ressorti, mais pas que nous, la Confédération paysanne, hein, je veux dire, les accords de libre-échange aujourd'hui, où aujourd'hui on laisse rentrer des produits qui n'ont pas les mêmes normes qu'au niveau de l'Union européenne et au niveau français. Nous, on rajouterait à la Confédération paysanne des prix d'entrée. On a vraiment travaillé là-dessus, c'est-à-dire on n'est pas contre faire venir des pays de l'étranger, enfin hors de l'Union européenne, mais même au niveau de la France, qu'il y a le même prix. Par exemple, nous, on veut un prix, on parlait des prix planchers. Les prix planchers, on veut, ça couvre les charges de production, ça couvre la rémunération des paysannes et des paysans, et ça nous permet de payer nos charges, nos cotisations sociales. Donc on est d'accord pour faire rentrer des pays, mais des produits, mais au même prix que nos coûts aujourd'hui. Parce que c'est ça aujourd'hui la destruction de l'agriculture européenne, de l'agriculture française, mais de l'agriculture mondiale en général. C'est de la concurrence, hein, j'en ai touché un mot tout à l'heure, de tous les paysans aujourd'hui du monde entier, où on fait venir des produits à vil prix, quoi, hein, donc, qui détruit l'agriculture vivrière. Donc même... ça, c'est une mesure très importante. Abandon notamment du CETA, qui n'a même pas été voté par les parlements. Donc interdire l'importation de production ne respectant pas nos normes. Hein. On sait, par exemple, qu'on fait venir de la viande du Brésil, de la viande des États-Unis, d'Argentine, qui n'ont pas, d'Argentine, qui n'ont pas les mêmes normes d'élevage que les nôtres, qui n'ont pas les mêmes standards. Et ça, c'est une catastrophe. Et on sait, c'est pas pour dire de se protéger pour se protéger, c'est que bah, d'abord, ça protège parce que ça garantit que les viandes, parce qu'ici, dans l'Union européenne, on produit des viandes sans hormones. Oui, mais si on qualité, veut conserver une agriculture sur les territoires, sur tous les territoires au niveau européen, mais au niveau français. Hein. Par exemple, si on prend tout le bassin de production de vaches allaitantes sur des secteurs où ils ne peuvent faire que ça, sinon on abandonne l'agriculture sur des territoires complets. Quoi, hein. Donc je ne suis pas inquiet, on va dire, pour... ici, parce que dans nos régions, on peut produire un petit peu de tout. Mais si vous prenez dans le centre de la France, on sait qu'on ne peut faire que de l'élevage en majorité. Donc, il faut protéger ces agricultures-là. Et donc, ce qui est proposé va dans ce sens-là. Entendu. Bon, on va terminer sur cette note, tout en faisant remarquer que tu précises que les agriculteurs, les paysans veulent vivre de leur métier aussi. Ah, tout à fait. Ce qui était demandé sur toutes les manifestations, alors... je vais dire, ce qui a traversé tous les syndicats, c'était vivre de son métier, d'avoir des prix rémunérateurs. Voilà, on termine sur cette parole. Merci Antoine d'être venu d'Onin, de ta ferme, de tes chèvres. Merci à vous. De tes chèvres. Oui. Merci. ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'en va en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. J'troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison, avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Oui, donc vous avez entendu juste avant, c'était une chanson de la Confédération Paysanne, donc Paysanne, Paysan, donc ça a été écrit collectivement par la Confédération Paysanne de Drôme et du Var. Et là, vous avez entendu le début de Ridan, l'agriculteur. Voilà, on va passer Donc ouais, vous êtes bien sur Radio Campus, 106.6, et donc on va passer aux actualités d'attaque. Oui, message aux comités locaux, le 12 juin 2024, et c'est Morgane qui va en parler. Oui, alors, donc Attaque a décidé de répondre à l'appel du nouveau Front Populaire pour battre le RN dans les urnes le 30 juin et le 7 juillet. Et faire gagner une alternative sociale et écologique. Donc il faut nous mobiliser largement et dans l'unité. Donc c'est pourquoi jusqu'au 7 juillet, nous mettons en pause nos campagnes et nous encourageons toutes celles et ceux qui veulent se lancer dans la riposte contre l'extrême droite et rejoindre toutes les initiatives et mobilisations organisées sur le territoire, voire, si possible, être à l'initiative de collectifs locaux Front Populaire. Donc l'équipe de campagne d'attaque s'engage à mettre en place des outils, des kits de mobilisation et ressources utiles à disposition pour les comités locaux. Il y a d'ailleurs eu un webinaire national des comités locaux hier soir, donc hier vendredi 14 juin, qui était à 19h pour échanger sur les mobilisations et les initiatives locales. Oui, tout à fait. Morgane, on y était avec Monique. Justement, j'ai parlé de Monique. L'AG d'attaque, c'était ce matin, donc oui, c'est terminé maintenant. Les copains sont en train de déjeuner à Paris. Et pour reprendre à 14h30, sur la rencontre des comités locaux, et Didier, pour le comité local de Roubaix-Tourcoing, et Monique, pour le comité local de Lille, présenteront le travail militant que nous faisons depuis quelques années déjà maintenant, à Roubaix pour la gratuité des transports publics, avec des comités de quartier, avec les habitants de Roubaix, et maintenant, depuis plus récemment, avec le Secours Populaire. Et en ce moment, ce travail se poursuit sous une autre forme, puisque nous travaillons sur la mobilité en lien avec l'Université de Lille, parce qu'il n'y a pas seulement des inégalités sociales, il y a aussi des inégalités spatiales. Au local, devant l'Agence régionale de santé, il y a eu un rassemblement hier où étaient présents la CGT, les services publics, pardon, la convergence des services publics qui est en train de se monter, du moins on l'espère, et notre camarade qui est d'attaque mais qui est aussi à Solidaire a fait un discours sur cette précisément nécessité de cette convergence des services publics. Contre le désastre annoncé, un front commun pour l'espoir. Alors, je ne vais pas lire le texte parce qu'il est un peu trop long, mais je peux en dire le début. Localement, en fait, la LDH, pour les élections européennes, à la suite des élections européennes, a reconnu qu'il fallait faire un vote contre l'extrême droite, qui a effectivement... était tout, pour le moins marquant. Donc, la LDH de Lille, donc la Ligue des droits de l'homme, et ses partenaires associatifs et syndicaux appellent immédiatement l'ensemble des forces de gauche à proposer un front commun face à l'adversité. Le 30 juin et le 7 juillet, il ne doit y avoir qu'une seule candidature de gauche dans toutes les circonscriptions du Nord. Nous, associations, syndicats, organisations de la société civile, citoyennes et citoyens, appelons à l'ensemble des appareils et des responsables politiques locaux à permettre la victoire d'une alternative, à retrouver ce qui les ressemble en mettant de côté leurs divergences pour proposer un chemin vers l'espoir. Cet appel a été immédiatement signé, évidemment, par Attaque Lille, Attaque Roubaix-Tourcoing et Attaque Villeneuve-d'Ascq. Oui, et c'est peut-être à toi. Alors, ouais, du coup, on poursuit donc avec les manifestations et distributions de tracts contre le FN. Donc, pour rappel, pour info, il y a un défilé unitaire ensemble contre l'extrême droite cet après-midi. On attend du monde à l'appel des syndicats et de centaines d'associations. Ce sera le même jour que la Gay Pride. Il va y avoir une super ambiance, je crois. Donc, départ prévu à 14h30, place Simon Volant, c'est-à-dire Porte de Paris. Donc, en fait, comme d'habitude, quoi. Et ce matin même, il y avait manif à Douai, Dunkerque, Boulogne-sur-Mer, Calais et Valenciennes. Florent, tu nous dis un mot de... Oui, donc mardi, il y a une réunion publique qui est sur le thème « Défendre la liberté associative à Lille ». C'est suite à les coupures de subventions, procès, contrats d'engagement républicain. Donc les attaques contre les associations et les syndicats se multiplient dans l'agglomération lilloise. Dernière en date, la suppression de la subvention de l'APU du Vieux-Lille par la métropole européenne de Lille. Donc cette soirée est organisée en partenariat avec l'Observatoire des libertés associatives qui vise à comprendre ce qui se joue derrière ces attaques et à organiser la riposte. Ça sera donc le 18 juin à 18h30 à la Bourse du Travail de Lille, 254 boulevard de l'Usine. Ok, merci. Ensuite, enfin, Attaque Lille fait son cinéma et s'installe en partenariat avec l'Univers. C'est le 25 juin, mardi 25 juin, à 18h30 à l'Univers. Nous proposons notre premier documentaire. C'est ni plus ni moins que Les Doléances et Hélène Desplanques, qui est l'auteur, d'autrice, pardon, mais on peut dire auteur au féminin, avec un E au bout. L'autrice de ce documentaire remarquable, avec débat ensuite, et puis impôt offert par le comité local. Autre chose, oui. Didier Florent. Florent. Oui, il y a un atelier participatif intitulé « Sommes-nous en démocratie ?» pour interrogation. Ah, quelle question. L'école nous apprend que la démocratie, c'est les élections. Cette affirmation se présente comme une évidence, une vérité universelle et séculaire. Est-ce pourtant si sûr ? Qui est légitime de décider ? S'agit-il d'élire ou de voter ? Sommes-nous des citoyens ou seulement des électeurs ? Donc Xavier nous propose une réflexion collective et originale sur ce qu'est une des démocraties. Et ce sera le 22 juin à 16h à l'Offensive, 41 rue Valny à Lille. On peut leur donner aussi l'émission avec Jacques Testard. Tout à fait. Qui est assez clair là-dessus. Bien, nous arrivons à la fin de l'émission. À tous les trois, nous vous souhaitons un excellent week-end. À la manif cet après-midi. Je ne sais pas le temps qu'il fera. J'espère qu'il se maintiendra. Il y aura un peu de pluie, mais bon, c'est pas ça qui va nous arrêter. C'est pas ça qui va nous arrêter. T'as raison, Florent. Portez-vous bien et puis à bientôt. On se retrouve le 30. On se retrouve le 29, c'est-à-dire la veille du 30, si vous voyez ce que je veux dire. It's too late.